Le verbe vivre, to live, vivre. Ça signifie également habiter, vivre, habiter. C'est le même verbe, to live. Live s'écrit L-I-V-E, to live, to live. To live. To live. To live. To live, j'habite ici ou je vis ici. Alors en anglais, ça se dit comment? I live here. I live here. I live here. Je n'habite pas ici. Je n'habite pas ici. Ah. I don't live here. I don't live here. I don't live here. Où habitez-vous? Where do you live? Right. Where do you live? Where do you live? Est-ce que vous habitez ici? Do you live here? Yes. Do you live here? Do you live here? Et partir, c'est to leave. To leave. Leave s'écrit L-E-A-V-E. To leave. Il est très important de ne pas confondre habiter, vivre, avec partir. À nouveau, le I court et le I long. Comment dit-on partir? Once more. Allez, encore une fois. To leave. To leave. To leave. Mais vivre, habiter, to live. To live. To live. To leave, ça veut dire aussi quitter et laisser. Partir, quitter, laisser quelque chose. To leave, to leave. Quand en anglais s'exprime par when. When, quand. When. When, ça s'écrit W-H-E-N. Alors, où c'est where? Quand? When. Yes, when. Encore une fois. Mais cette fois-ci, où? Where. Where. Quand? When. When. Alors, where s'écrit W-H-E-R-E. Mais when, ça s'écrit... W... Alors, ça s'écrit W-H-E-N. Ah. Où habitez-vous? Where do you live? Good. Enfin, presque. Ah. Where do you live? Quand partez-vous? When do you live? When do you leave? Ah. Je pars ce soir. I leave tonight. I leave tonight. Right. Demain? Tomorrow. Demain? Tomorrow. Tomorrow, ça s'écrit T-O-M-O-R-R-O-W. Tomorrow. Tomorrow. Comment dit-on j'habite ici? I live here. I live here. I live here. Je pars demain. I leave tomorrow. Very good. I leave tomorrow. Aujourd'hui, today. Today, ça s'écrit T-O-D-A-Y. Today. Alors, today, aujourd'hui, tomorrow, demain, ce soir, tonight. Comment dites-vous, je n'habite pas ici? I don't live here. Once more. I don't live here. No, I don't live here. Le I est plus court. Live. Live, oui. Oui. Live. Live. Yes. Il faut faire attention, hein, ne pas confondre. I don't live here. I don't live here. Mais comment dites-vous, je ne pars pas aujourd'hui? I don't leave today. Bravo! Right, I don't leave today. Où habitez-vous? Where do you live? Where do you live? Good! Quand partez-vous? When do you leave? Good. When do you leave? Yes. When do you leave? Le mot anglais pour message est message. Message. C'est le même mot, mais il se prononce message. Je veux laisser un message. I want to leave a message. Good. I want to leave a message. I want to leave a message. Alors, to leave, quitter, partir, laisser. Voulez-vous laisser un message? Do you want to leave a message? Right. Do you want to leave a message? Est-ce que vous avez un message pour moi? Do you have a message for me? Right. Do you have a message for me? Yes, yes.